une seule émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial David Carrera. Et c'est déjà la dernière de la semaine avec David Carrera. Comment ça va, David? Ça va et toi? En pleine forme? En pleine forme. Bon, bilan de cette semaine pour l'instant. Et bon, il nous reste encore une heure à passer ensemble, mais... je me suis éclaté. Bien. Très bien, on s'amuse. J'ai vu des facettes de toi que je connaissais pas jusqu'à présent, tu vois. Et il y en a d'autres, malheureusement. C'est bien ça le problème, c'est que moi-même je me fais peur parfois. C'est ça. Je pense que tout le monde a découvert le Fred pervers, tu vois. Mais non, c'est cool, je me suis vraiment bien amusé. Et tu vois, je m'amuse parce que pendant la journée, j'ai hâte d'être ici. Je me dis, ouais. Ah, ça fait plaisir ça. Ça, c'est très beau des compliments, merci beaucoup. Ah, bah merci. Ça me touche. Bah merci beaucoup. Et bah moi aussi, je regarde d'ailleurs, encore une heure. Allez, encore une demi-heure. Et là, on y est. C'est direct jusqu'à 21h. Les images sont dispo sur Skyrock FM. Le hashtag, c'est parti, David Carrera sur Skyrock. Vous le balancez, on va saluer Gary, qui est là, Gary Fico. Yeah. Tu veux le saluer ou pas? Ouais, je pense qu'on peut le saluer. On peut. Il a quand même bien bossé sur cet album, non? Ouais, un peu fainéant, mais il a bossé. Ce que je sais pas, c'est qu'il y a celui-là, il y a celui d'avant aussi, le portugais. Et ouais, il parle très bien portugais, Gary Fico. Ah, eu falo português. Obrigado. Bah écoute, bienvenue Gary, et tu es venu avec un autre David aussi. Un autre David qui... pareil, qui fait partie de cette diaspora portugaise. Ouais, c'est un autre David qui est portugais aussi. Et voilà, il m'accompagne aussi dans tout ce qu'on fait live, etc. Donc voilà. Ça va bien, David? Ça va très bien. Tu es avec ta guitare, donc ce soir, c'est spécial Fado. Ouais, spécial Fado, on va faire de Amaya Rodriguez. Spécial Portugal, si vous nous écoutez. On va parler portugais pendant une heure. Non, je parle pas portugais, d'accord. Ah ouais, parce que je me dis, c'est quoi ce frouche? C'est portugais de Hollande. C'est un peu plus haut en hauteur, quoi. Non, mais comme dirait Mokobé, os magos, os invejosos vont emagrecer. Les jaloux vont maigrir. Voilà, ça j'ai compris. Bon, bah, bienvenue à vous tous. Bienvenue aussi à ceux qui sont venus, qui ont fait le déplacement, qui sont dans le studio avec toi. Ouais, ça va bien tout le monde? Oui. Et on n'applaudit pas ce soir. J'adore, hein, je m'y fais, ces applaudissements. C'est bien. Ah ouais, c'est bien, c'est très bien. Bon, on va continuer à découvrir l'album et puis on va surtout se rappeler ce qui s'est passé durant la semaine. On a le zapping de la semaine, de ta semaine en entier dans Planète Rap. On débute l'émission avec. Skyrock. Le replay. Comment ça va, David? Ça va et toi? En pleine forme, c'est ton premier Planète Rap pendant une semaine. Et ouais. Je suis né dans le 91. Je suis reparti au Portugal quand j'avais 10 ans. Donc j'ai appris à parler français d'abord, et toute ma culture musicale, c'est une culture française en fait. Mais après j'ai commencé à parler portugais et j'ai fait le reste de 10 ans jusqu'à 20 et quelques au Portugal. Chaque fois que je vous vois, je sais que vous faites partie des biens. Chaque fois que je vous vois, je me sens chez moi, je me sens si bien. Obrigado à Skyrock. Yeah. Obrigado la famille. Toi, ta musique, tu la qualifies comment, David? C'est quoi? C'est urban, ce qu'on appelle urban pop? C'est un mix, parce que moi j'écoute vraiment de tout. Que ce soit du rap, que ce soit de la pop. Mais je pense que cet album est très proche du pop urbain. Planet Rap. Tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac. Oh. Tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac, tiki tiki tac tac. Oh. Comment avancer? Mon temps est compté. Comment enculer? Tout recommencer. Yeah. Sur Skyrock. Planet Rap. Planet Rap. Tu veux nous tester? Y a pas de problème. Les princes de la nuit sont devant toi. Shazam ne te sert à rien dans l'arène. Tu nous connais déjà. Rendez-vous. Skyrock. Rastafari. Yeah. Derrière les airs invincibles de nos héros tranquilles. Y'a toujours le même chaos, les mêmes moments difficiles. Frapper, viser le chaos. Sa place en haut. Frapper, viser le chaos. Skyrock. Bon, bah écoutez, tiens, ce que pensent les gens de toi, ça t'intéresse ou pas? Ouais, ça m'intéresse. On est parti dans la rue, c'est le son de la rue maintenant. Si, il est beau. Ouais, il est beau. Ouais, il chante bien. J'aime bien son album. Ah, voilà. Bah, je le suis depuis qu'il a commencé au Portugal. Donc, j'ai adoré toutes les séries qu'il a fait au Portugal. J'allais dire que je l'adore. Et... c'est une perfection. Oh, oh, oh, on garde la tête haute et ça, quoi qu'il arrive. Je ne veux plus danser. Je ne veux plus jouer avec ma destinée. J'ai envie d'avancer. Le replay. Tout le monde est prêt à chanter boum? Tout le monde. Yeah. Plus fort. Un. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, l'amour a parfois tort. Yeah. J'ai essayé de m'évader. Quoi qu'on pense et qu'on défasse, l'amour a parfois. Est-ce que vous êtes chaud dans le studio ce soir? Gigo gigoté, vous êtes chaud. Attention, Fred va danser. Yeah. Vous êtes chaud, Fred va danser. Ouais, Fred va danser, let's go. Fred. Hey, hey. Gigo gigo gigoté. Tout le monde. Turn down to one. You know what to do with that big fat boy. Wiggle wiggle wiggle. Yeah. Wiggle wiggle wiggle. Gigo gigoté. Voilà, on s'est régalé cette semaine. C'était un petit aperçu. Hein. Tous les soirs, il y avait du live avec toi, David. C'est bien éclaté. Et ce soir, donc, du live avec acoustique. Ouais. Live acoustique. Vu qu'hier, on a mis un peu de patate, aujourd'hui, on s'est dit, viens, on va. On, c'est bien, c'est on le week-end. On va calmer le jeu, on tranquille. Va faire quelque chose de plus smooth. Bon, l'album est dans les bacs, David. Qu'est-ce qu'on a pu oublier de dire sur cet album cette semaine? Qu'est-ce que t'aimerais accentuer ou nous dire autour de cette aventure pour cet album? Bah, en fait, que je me suis éclaté. J'ai fait ce. En fait, c'est le premier album. Normalement, t'as plein de trucs à dire et parce que c'est ton premier, donc t'as vraiment beaucoup de choses à dire. C'est les premiers textes, c'est les premières instrus. Toi, on rappelle que t'écris, mais que tu as pris aussi des coups de main comme Tunisiano sur l'album, voilà. Qui a écrit avec toi, avec Gary. Aussi, Gary Fico aussi, Skalpovic, Dry, Shinsekai. Donc voilà, c'est bon, pour moi c'est important d'écrire. Dans mon album, de parler de choses qui me sont déjà arrivées ou que je vois autour de moi, tu vois. Et voilà, cet album, il parle un peu de moi, il parle un peu de ce qui m'entoure. Et c'est pour ça qu'il est aussi important. Tu vois, autant Obrigado, ça parle de la famille, ça parle de mes origines. Boum, ça parle de plutôt une histoire d'amour. Viser le chaos, pour moi, c'était important de vraiment de parler de la jeunesse et de moi-même, tu vois. C'est, on a chacun a ses rêves et il faut lutter pour arriver à tes rêves et à petit à petit gagner quelques petits objectifs et conquérir tes objectifs. Donc voilà, chaque titre a une importance. Et chaque titre est très important pour moi. Et ben, on va continuer à le découvrir ce soir entre 20 et 21. On débute avec le morceau habituel, Viser le chaos. Je pense, ouais. Avec Snoop. Ah oui. Bah ben oui, puisque monsieur il a Snoop sur son album. What it do? Allez, c'est parti maintenant. David Carrera et Snoop. David Carrera, Big Snoop Dogg. We doing this one for the kids. All love, peace. Ja! Rastafari. Derrière les airs invincibles de nos héros tranquilles. Y'a toujours le même chaos, les mêmes moments difficiles. Et quand c'est à moi d'avancer, faire revoir mes pensées. C'est géant, tu me donnes l'espoir, la force et l'envie d'y croire. Moi, Nathalie, a eu peur de tomber. À part Gino, de mauvais scénario. Sur un terrain ou un ring, Jordan, Johnson, Luther King. Da da da da da da da. Frapper, viser le chaos. Da da da da da da da. Gagner sa place en haut. Da da da da da da da. Frapper, viser le chaos. Da da da da da da da. C'est tout ce qu'il nous faut. Snoop Dogg. In the streets, all drama free. So slick and so quick, but I'ma do it honestly. Inspire, uplift the youth. Lead with direction, speak on the truth. Moi, Nathalie, a eu peur de tomber. À part M.O.P. David Guerrero. Yeah. Big Snoop got game to obtain. For real though. Come here though. Do what I feel though. Turn it up loud so I can go ahead and break it on down. Da da da da da da da da. Ma baby c'est le cabo. Da da da da da da da. Gagne sa place en haut. Da da da da da da da. Ma baby c'est le cabo. Da da da da da da. C'est tout ce qu'il nous faut. Da da da da da da da. David Carrera et Snoop Dogg, Viser le chaos, c'est extrait de l'album qui est dans les bacs, qu'on peut aussi commander maintenant, tout de suite, en téléchargement légal. Et disponible dans les bacs, donc voilà, allez l'acheter. Allez cliquer et vous récupérez le son de David Carrera pour le week-end, pour passer un bon week-end. Un bon week-end tranquille. Et voilà. Et bah, c'est déjà pas mal. Nous, tu vas passer un bon week-end. Oui, je pense, que ça va faire du bien. Je pense que t'as besoin, là, t'es un peu en mode fatigue aujourd'hui. Ah, et c'est pas fini, parce que tout à l'heure, justement, il y a une nocturne spéciale avec Passy et Stomy, le ministère Hammer, qui débarque juste après D-Food, là, aux alentours de minuit et quart sur Skyrock. Tu sais, ils seront en concert. À l'Olympia. Lundi soir. Donc, à ne pas perdre ce concert de ouf à l'Olympia lundi soir. Les toutes dernières places sont à choper maintenant. Allez-y, 41-759 si vous voulez voir Stomy, Passy ainsi que tout le ministère Hammer. Peut-être des surprises aussi à l'Olympia. Et avant de les retrouver ce soir à minuit, moi j'étais ressorti un de leurs morceaux. Si tu veux bien, ça dérange pas, on va le passer dans ton planète. Ah, bah, je pense que c'est super. Ça te parle, toi, ministère, non? T'étais jeune. Moi, j'étais très très jeune. Mais j'ai suivi un petit peu. Après, ça dépend le morceau que tu vas mettre. Ça se trouve, je le connais. C'est les Rats aiment les Lascar. Tu peux le redire? C'est du portugais. Les Rats aiment les Lascar. J'aime bien les Rats. Aiment les Lascar. C'est un bon titre. Ah, mais tu connais pas ce morceau? Tu vas peut-être reconnaître. Normalement, je vais le reconnaître. On va le balancer maintenant. C'était extrait de l'album d'ailleurs qui vient d'être. Enfin, pas tout à fait une réédition, mais c'est les meilleurs moments, les meilleurs titres de Ministère Hammer qui sont réédités, qui est donc de retour dans les bacs. Et avant de les retrouver lundi soir en concert, on met ce morceau qui a peut-être rappelé des souvenirs à certains d'entre vous. Bah, je pense. Après, Ministère Hammer, ça fait combien de temps? Bah, ça, c'était 20 ans. Ah ouais, bah moi j'ai 23, fais le calcul. À 3 ans, je suis pas sûr que t'écoutais les Rats, t'aimes les Lascar. Qui fait, t'inquiète, c'était là. Quoique. Qui sait? Papa, laisse-moi écouter là-haut. Et bon, on l'écoute maintenant sur Skyrock. Et puis après, on a une grosse surprise. C'est venu avec une surprise par téléphone. T'aimes bien le foot, on m'a dit. Non, mais là, tu veux pas savoir, franchement. Et bah voilà, bah on a. Là, on c'est, a, mais c'est, un, mais c'est un kiff total. On a un des empereurs du foot à Paris aussi. Foot parisien. C'est-à-dire que c'est un mec qui a marqué l'histoire du PSG. Et qui est là ce soir avec nous. Par téléphone. Par téléphone. On l'aura normalement dans un instant. Ouais. Dites-nous un petit peu si vous avez une idée de qui sera par téléphone avec nous. Vous pouvez tweeter au max. Allez-y avec le hashtag David Carrera sur si Skyrock. Bernard Lama. Et là on a. Oui, il est portugais d'ailleurs, vous savez bien. Aussi. Pour moi, c'est une référence. Ah bah. Non, mais... Pour moi, c'est vraiment une référence. Si c'est le vrai que tu es. Tu sais que j'ai joué avec lui. J'ai joué en match amical, pas ouais, en d'accord. On n'a pas le même. Parce que je t'ai pas vu au PSG. Je me disais à cette époque. Dans les tribunes, peut-être. Ça. Bah on va en parler justement du foot et de la musique dans un instant avec lui. Et là, on écoute donc ce morceau de Ministère Hammer. Loupez pas ce soir nocturne juste après D-Fool et lundi soir à l'Olympia. Ah putain, je suis fatigué. Il nous en reste combien d'écouteurs? Allez, bon, la suivante, allez-y. Les rats aiment les Lascar. Attends, il y a eu un Larsen là, coupe la musique. Coupe la musique, recommencez. Recommencez bien. Bien, mais ouais. Faites-le bien, à l'aise. Vas-y. Je suis fatigué. Ah, de galère. Les rats aiment les Lascar. Et c'est qui qui a ramené ça? C'est qui a ramené ces pétasses? Tout simplement. Ah, attends, les gars, je les sens quand même du genre. Vas-y, rechanter. Ça va plus, là. Les rats aiment les Lascar. Allez, dégage. Allez, arrache pas de là. Laissez-les tranquilles, Stomy. Ils reviennent plus. Léchez-les, vous êtes des salauds. Allez, meuf du boulevard net. et 2 pour les rats. 3, voilà, missiles, misto, décontractés. Pour tout compter qu'étant enfant, enfant, j'adorais les bandits. Y'en avait qui t'a fait pour être les premiers de la classe. Pour être le plus fort de l'école, je me battais contre des masses. J'étais encore petit, un mini logis, mais pour moi j'avais le manche comme Scarface. Je m'étais juré de descendre Elliot Ness. Et puis j'allais en cours pour faire des mots d'amour. Maîtresse, il m'embête, t'as pêche. Mais à 4h30, on faisait tout pipi. Je visais déjà le haut, les seins les plus gros. Dans le clan des grands, il y avait des putains de belles et bonnes meufs qui crânaient devant nous, mais faisaient maquer par leur mec. Elles criaient son nom, mais devant leur mac fermaient leur bec. À l'âge où l'on commence à courir derrière les chats, je me suis dit pour qu'elle mate. Homos, homos, arrête de jouer les los. Homos, homos, t'as pas de Lévi-Strauss. Homos, homos, elle est pas assez grosse. Pas comme moi nécessaire, fallait que je sois L-A-S-C-A-R, cigare. Les rats aiment les lascars. J'ai débarqué du Congo la même année que Mario. J'avais mon boubou rouge à 25 000 francs CFA. Fâché quand à l'école on me disait qu'est-ce que c'est que ça. Déjà enfant, je m'étais à la demande. Les gens qui me disaient rien, toi tu Bouana, moi Tarzan. Dans la rue le soir, je voyais des scènes bizarres. Les bonhommes afro-briantines dans la tête dans leur herleuse noire. Jean de chromé, intérieur, léopard. Se disputer avec leur rat après une partie de seuf. Les frapper à mort jusqu'à l'arrivée des keufs. Le mec se faisait embarquer là, t'as fait s'arrêter de pleurer. Mais le lendemain après avoir juré, elle était à ses pieds grattés, ses fesses à terre pour que le mec la remette en laisse. L'estima, l'FCD, si malgré le lundi, le traité de bandit, le mardi, devant moi, point amoureux pour lui. À l'âge de double assis, commencé à avoir des poils sur le zizi. Je me suis dit plus tard, j'ai un lascar, car les rats aiment les lascars. Des passes au mini-ling, jamba par case, à toutes les rats, clic clac, j'ai le pass, la Scarface, la Scarface, dans leur face et leur face, YMOTS, service, haze, agrossi, mon zizi, plus de cartouches qu'un Uzi, Stomy Bugsy, de la secte, oui, des RCA, oui, du Stermini, oui, etc. C'est encore moi, le nègre de la pègre, écoute-moi, suis-moi, bonnet and clutch, je te fous droit, de sang-froid, tu viens plus chaude, à l'odeur, v'là la noire-rose, viens dans les Nesby, étant tout petit avec mon cartable. J'ai déjà passé le cap des fables. Mets-toi sur la table. J'ai toujours la pêche. T'as pêche. Je respecte les rats qui se respectent, mais celles qu'on bouille avant les caves. Stop échec, je suis un gangster d'amour. Elles font la queue pour que je les bourre. Lololo, chic, j'ai une trique qui peut servir de clic. Mon bras, tel cobra, delta. À la déchette facile, clic pas, si pas, explique. Clic, clic, clic, bang, bang. Les rats rêvent de gang comme dans les films d'Hollywood. Comme dans Boys in the Hood. Tribu des M, le L-A-S. C'est A-R, déjà petit craché à terre, dénigrer la vie de sa mère. C'est un M-A-C et elle marche au pied. Pas de R-E-S-P-E-C-T, excepté quand le bandan n'est pas daté. Moi c'est genre de mec qui aime la vie tranquille. Dans le mille, j'aime l'argent facile. La queue flan habile, la peu flan subtile. Et quand ça tire dans les rues de ma ville, les starlettes par la fenêtre détestent les plus fragiles. Non, les rats aiment les lascars. Alistair Hammer, loupez pas, hein, tout à l'heure, juste après D-Fool pour une nocturne spéciale et lundi soir à l'Olympia pour fêter les 20 ans de leur album mythique du ministère sur Skyrock entre 20 et 21. Là par contre, ça c'est mythique. Franchement, merci. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire pour cette fin de semaine. T'inquiète, j'ai pensé à toi. Je crois que monsieur est en ligne. Je te laisse présenter. Donc c'est, pour tous ceux qui aiment le foot et notamment les supporters parisiens, faut pas se leurrer, hein. Ouais. Bah, pour c'est moi, c'est une des plus grandes références du football portugais et du football de Paris aussi. Mmh. Et donc s'il est en ligne, c'est Pedro Pauleta. Pedro Miguel, ouais. Pauleta qui est avec nous. Allô. Hello. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Non, j'allais dire, on va pas parler portugais. Hein. Non. Et ça serait bien. Bienvenue sur Skyrock. Bienvenue dans Planète Rap, le Planète Rap consacré à David Carrera qui nous fait une super surprise. Il est arrivé en disant, il faut que je passe un coup de fil à quelqu'un. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, non seulement pour son talent de foot et qui est humainement quelqu'un d'assez incroyable. Ah ben, il est plus incroyable. C'est vraiment quelqu'un qui, les fois où on a pu être ensemble, c'est vraiment quelqu'un qui m'a vraiment impressionné par sa manière simple d'être et pour tout ce qu'il a conquis dans toute sa carrière, d'être aussi simple, d'être aussi humble, c'est super. Donc voilà, c'est pour moi c'est un honneur de pouvoir l'avoir dans mon Planète Rap. D'ailleurs, je propose que tout le monde applaudisse monsieur Pedro Miguel Pauleta qu'on a ici en ligne. Ah, merci beaucoup. Merci. Et vous êtes où là, en France, Portugal? Non, en ce moment, je suis au Portugal. Mmh. Mardi, je vais être à Paris, mais aujourd'hui, je suis à Lisbonne. D'accord, donc à Lisbonne. C'est pour ça que ça te manquait un peu le pays, donc tu avais besoin d'avoir des... Le temps, tout va bien à Lisbonne, il fait beau? Oui, il fait bon, il fait de soleil aujourd'hui, il fait très bon. D'accord, un petit mot sur David, Pedro, vous l'avez rencontré, je crois que c'est un match de foot, hein, c'est ça? Vous êtes rencontré Oui, David nous a eu une opportunité, un match de la Fondation de Figo à Genève. Nous a fait un match avec la deux fondations. Je me rappelle très bien qu'elle a joué avec nous. Je pense même qu'elle était joueur ici au Portugal, dans une équipe ici à Lisbonne. Mmh. C'est quelqu'un que j'ai apprécié beaucoup, à lui, à son papa. C'est très, très simple, son frère aussi. C'est quelqu'un très connu ici au Portugal, qui fait un travail super. C'est un jeune chanteur avec beaucoup de talent que nous tous ici au Portugal nous admirons et nous apprécions beaucoup. Bah, tellement qu'il m'apprécie, il m'a dribblé pendant tout le match. Il a dit, c'est vrai que t'as joué, ce qui paraît, t'étais défenseur, c'est ça? T'étais, Il m'a tué. C'est en fait, il s'est dit, tellement qu'il est gentil, je vais le tuer pendant tout le match. Je crois qu'elle a joué derrière, je me rappelle pas trop bien, mais je crois qu'elle a joué derrière, elle était bien. Et en plus, je pense même qu'elle a joué un peu contre moi. J'ai pas marqué un but, ça veut dire qu'elle était bien. Non, non. Moi, tout à l'heure, il m'a dit, non, j'ai joué. Il m'a mis sévère. Hein. Ah, c'est pas facile. Mais après, à la fin, je me rappelle qu'il a été super gentil. Il a dit, non, mais tu te débrouilles bien, David. C'est bien. Continue. Ouais, ça c'est encore pire que tout. C'est le truc. C'est bien. T'es gentil. C'est gentil. Progresse encore un petit peu. Toi, t'as joué au foot quand même, parce qu'on va être sérieux deux secondes. Mais sur le foot, toi, t'as quand même été assez. Bah, j'ai joué jusqu'à senior. Et après, je me suis arrêté en fait. Et j'ai joué dans pas mal de clubs au Portugal et l'un des clubs c'était au Sporting Club Portugal et voilà. Bon Pedro, j'ai envie de lire tous les messages qui arrivent, vous n'avez pas compte le nombre de messages, les gens, voilà, les frissons, Paoletta, tu nous manques, ça défonce, Pedro revient. Il y a beaucoup de messages qui arrivent ici dans le studio. Ah, ça me fait beaucoup de plaisir. J'ai passé 5 ans à Paris, dans un club comme Paris Saint-Germain. C'était super pour moi. J'ai les gens de Paris dans mon corps. Mais sincèrement, en ce moment, j'espère que tous les supporters parisiens, ils supportent aujourd'hui David Carrera, qui mérite. Bon, un petit mot quand même, Pedro, sur le PSG actuel. Est-ce que l'équipe vous plaît? Est-ce que vous prenez du plaisir? Bon, là, ça a été compliqué face à l'Ajax cette semaine. Surtout en deuxième mi-temps. Oui, c'est vrai que nous n'avons pas commencé bien la Champions League, mais c'est une équipe avec beaucoup de talent, beaucoup de qualité. C'est une équipe que je suis sûr que va faire encore un grand championnat, mais nous, supporters de Paris, nous attendons beaucoup. C'est la Champions League et j'espère que nous va arriver à faire une belle participation dans la Champions League. Bon, et vous êtes toujours en même temps parmi les records, hein, au PSG, 109 réalisations sous le maillot de Paris. Bon, ça se rapproche, il y a Zlatan qui est un peu sur vos côtes en ce moment. Oui, pour le moment, je suis devant, mais je suis sûr que Zlatan, il va me passer. C'est un peu au Portugal aussi, avec Cristiano Ronaldo. J'étais devant, il m'a passé. Aujourd'hui, bon, et ça va. Je crois que Zlatan va passer. Ça va, vous le vivez pas trop mal, a priori. Oui, c'est pas mal. C'est deux records qui vont être battus pour deux grands joueurs, peut-être deux de trois grands joueurs au monde en ce moment. Merci d'avoir été avec nous. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, David, dire quelque chose à Pedro qu'on a eu l'honneur d'avoir dans l'émission ce soir pour conclure ton Planète Rap? Déjà, merci beaucoup. Muito obrigado. Muito obrigado. Je vais le faire en portugais. Vas-y. Pedro, muito obrigado e fico muito agradecido por tudo e para mim é uma honra poder estar aqui no meu Planète Rap. Obrigado, pá. David, muita sorte para ti. Fico bem. Obrigadinho, amigo. Obrigado. Gary, la traduction, s'il te plaît. Beaucoup de chance pour lui, il mérite. En fait, on disait que tout allait bien jusqu'à que tu parles. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, je vais la fermer, on va mettre les pubs. Bon, merci beaucoup, en tout cas, Pedro. Pedro, moi, j'ai un supporter parisien j'en ai plusieurs. Il y a les deux Fab qui sont là. Momo, qui font partie de l'équipe de Planète Rap. Momo, est-ce que t'as un petit mot à dire à Pedro? Parce que je sais que ça va te toucher, Momo. Alors, ça se trouve, j'ai envie de dire, Pedro, vous l'avez déjà croisé une fois. C'est un mec avec un drapeau et des tambours. Donc, ça se trouve, il est déjà venu à la sortie tu l'as déjà croisé en plus, Momo. Qu'est-ce que tu as à dire? Le mot de Momo à Pedro. Non, mais c'est une légende pour moi. La légende, tout simplement. Tu as vu, regarde les yeux qui pétillent de Momo. Il a les yeux qui pétillent. Momo, il va pleurer bientôt. Ah, mais Momo. Ah, ouais, il est pas bien, Momo. Est-ce qu'on peut appeler les secours pour Momo? Appelez les secours pour Momo, s'il vous plaît. Non, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que le foot, c'est ça aussi. C'est des gens parfois sur un terrain qui donnent de réunir autant de monde et d'avoir autant de frissons. Parce que c'est vrai que quand on a vu jouer Paoletta, on a tous eu un moment ou un autre, voilà, des frissons, des trucs incroyables. Moi, j'ai eu à plusieurs moments et pouvoir représenter un club, pouvoir représenter un pays, je pense que ça doit être la meilleure chose. Que ça doit être une sensation de ouf. Et il y a ce côté un petit peu, alors c'est différent, mais la musique, voilà, ça rassemble des gens plein de religions différentes, de plein de cultures, etc. Et tous sous un même drapeau. Et voilà. Et de temps en temps, ça fait du bien. Donc voilà, encore une fois de plus, merci. Je pense qu'on peut applaudir une fois de plus. Bravo. Un gros applaudissement. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir, merci beaucoup. Et obrigado, hein. Pour conclure. Merci beaucoup. Et à bientôt, Pedro. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas. Au revoir, merci. Obrigado. Ciao, ciao. Bah voilà, beau cadeau, hein. Momo, t'es content? Ouais, super, merci. Momo, là, j'ai. Tu me passeras le chèque après, t'inquiète. Pendant une semaine, à chaque fois que j'ai besoin de toi, je t'appelle Momo. Momo, va falloir aller changer de jean, là. Pause. On revient dans un instant. Qu'est-ce qu'on met comme morceau, David? Je pense, pour mettre un peu de gaieté, on va mettre RDV featuring Mokobé. Eh ben, très bien. RDV, c'est une très bonne idée. Ne bougez pas. Ça arrive après la pub. Comme toi, David Carrera a choisi Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Et David Carrera, notre invité toute la semaine entre 20 et 21. On avait promis le morceau avec Mokobé. On le met maintenant, ce morceau, David? Ouais, je pense qu'on le met maintenant. Allez, c'est parti juste RDV, avant. RDV, rendez-vous en mode Mokobé. Rendez-vous. Et juste avant de balancer le morceau, la question pour repartir avec le dernier album dédicacé par David. La question va porter sur Pedro Miguel Paoletta. Quelle question alors? Quelle question? Elle est simple parce qu'on a donné la réponse qu'on l'avait il y a quelques minutes en ligne, grâce à toi, dans l'émission. On a eu Paoletta. La question est simple: combien de réalisations au PSG? Combien de buts au PSG? Ok. Simple, on l'a dit. On donne un indice ou pas? Oui, entre 0 et 300. Entre 0 et 300. Allez-y. C'est un bon indice. C'est un bon indice. Un indice large? Large et assez serré en même temps. Voilà. Donc allez-y si vous avez la bonne réponse. 41759 avec le hashtag David Carrera sur Skyrock pour repartir avec votre album dédicacé. Et on met le RDV? Ouais. Mode RDV en mode fête pour ceux qui ont envie de fêter ce soir. C'est le week-end? Ouais. C'est parti, coup d'envoi du week-end avec ce morceau. Coup d'envoi du week-end. Dans le noir, tu veux nous tester, y'a pas de problème. Le signal est lancé, donc slip, donc tous rendez-vous. Les princes de la nuit sont devant vous. Tu t'ennuies avant qu'on arrive à vous. Tiens, le glas, nous bijoux, savoure. Même au bout du monde, on ira. Vous en mettez plein les yeux comme à Jumeirah. Black and white, 24 carats, touch me babe. Ma peau, c'est du cuir, j'y crois. Vamos a danzar jusqu'à l'eau. C'est plafond à la Sébastien Love. C'est la team Ken Flush, moi, El Tareda. C'est Samo Juntos, Moco Carrera. Tu veux nous tester, y'a pas de problème. Les princes de la nuit sont devant toi. Shazam ne te sert à rien, yeah, dans l'arène. Tu nous connais déjà. Rendez-vous. Où est à quelle heure ce soir? You gotta put it on me. Yeah, yeah, put it on me. Rendez-vous. Où est à quelle heure ce soir? You gotta put it on me. Yeah, yeah, put it on me. En mode rendez-vous sur Skyrock ce soir. Prêt à rentrer en week-end. Pour s'enjailler. Hein. Yeah, Skyrock. Aïe. Rendez-vous. Où est à quelle heure ce soir? You gotta put it on me. Yeah, yeah, put it on me. Rendez-vous. Où est à quelle heure ce soir? You gotta put it on me. Yeah, yeah, put it on me. C'est David Carrera avec Mokobé à l'instant. Mokobé du 113 RDV. Rendez-vous. C'est ce qu'on écoutait, ouais, sur Skyrock. C'est extrait de ton album Tout Recommencer qui est dans les bacs, hein, l'album de David. Vous l'avez acheté, tout le monde ici? Oui. On va faire une mokobrie. Ceux qui ne l'ont pas acheté sortent tout de suite immédiatement. C'est ça. Ceux qui ne l'ont pas acheté deux fois, vous pouvez sortir tout de suite, s'il vous plaît. Ah, il y a même trois fois. Il y en a qui l'ont acheté trois fois. Allons dans la surenchère. Allons-y. Cinq peut-être. 6, 10. Allez-y, l'album s'appelle Tout Recommencer. On le découvre encore dans, allez, dans un instant. Tu feras aussi du live avec, ouais, un autre David qui est là. Avec un autre David, on va se faire quelque chose de plus calme. Pour essayer de. Là, on s'est mis en mode fête, tu vois. En mode, on va fêter le week-end. Yes. Et après, on va fêter le week-end plutôt en mode lover. Bah, donc, on peut enregistrer pour se le mettre dimanche soir, par exemple. Par exemple. Voilà, tu, vois, tu, tu te le mets dimanche soir quand on veut faire quelque chose de plus calme, tu vois. Et ben, bah, on fera ça dans un instant. Juste avant, je te présente Kéfir de Saint-Etienne. Salut Kéfir. Yo, Frédérico, ça va? Kéfir. Pourquoi tu fais le parce truc que, pervers? Mais non, mais je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Il sent les blases à l'ancienne, Kéfir. Tu vois, ouais, je faisais Frédérico quand j'étais portugais. C'est ça. dans une autre vie. Bon, Kéfir, est-ce que tu connais David Carrera? Bon, toi, je sais que t'es un peu plus rap, mais est-ce que tu. Bah, je connais par rapport justement à ces feat rap, justement, Snoop, et Dry, et aussi. Lek. Et le CK, voilà, qui était avec nous, ouais, cette semaine, ouais. Voilà, donc je connais plus par rapport à ça. Ah oui, oui, oui, aussi, j'ai partagé une scène avec lui, c'était au Lac des Sapins, à Cublis, cet été, il me semble. Ah ouais? Et tu. Oui. Ah, cool. Voilà. Non, c'était vraiment cool, c'était une scène sympa, il y avait le public qui était chaud, ils étaient chauds. Voilà, bah moi en fait, je faisais la première partie des têtes d'affiche, comme toi. Ah ouais? T'étais, oui. Mais t'étais tout seul ou t'étais avec quelqu'un d'autre? J'étais en groupe en fait. J'étais en groupe. T'étais avec une fille ou t'étais avec. Non, que des gars. Que des mecs. Gars. Ah bah j'ai pas vu. Je crois que j'ai pas vu cette partie. Je suis désolé, poto. Bon, ouais, mais c'est pas grave. Mais j'en suis sûr qu'on se recroisera un de ces jours. Hein, non, mais tu peux le dire qu'il fait ça raconte. Il était enfermé dans sa loge. Il voulait non. voir. Non, j'étais en train de pêcher dans la loge. C'est pour ça. C'est ça, ouais. Non, je rigole. Non, j'ai pas. Parce que je me rappelle, j'ai vu pas mal de monde dans la première partie. Et je me rappelle qu'il y avait un duo, une fille et un garçon, mais j'avais pas vu ta partie. Il y a séance de rattrapage ce soir puisque Kéfir vient rapper en 1h30. Tu es prêt, Kéfir? Yes. Allez, c'est parti, session freestyle par téléphone. Yeah, Kéfir. Check. Yo. Est-ce que t'es ceux qui croient qu'on est pauvre et qu'on restera qu'un mec qui s'en sort sans sport, sans style, ça reste rare. Je renforce mon opinion afin de briser tous tes clichés. Je représente cette France qui vaincre derrière ses guichets. J'incarne cette génération élevée au paquet de pasta. Forger ma mentalité, je fais tout pour pas qu'elle parte. Fier de mes racines et de mon passé fluctueux. Réalise tes rêves si t'as la chance, vu que tu peux. C'est ton système que je blâme, car je suis la France annexée. Redoutée par les villageois, je fais peur comme un AVC. Prouver que je suis bon face à des cons, je suis constamment à l'été. Dois-je accepter toutes ces remarques qui peuvent me vexer? Je suis cette France LST qui vous donne envie de gueuler. Le 5 et 20 blancs tombent, je te rendrai ta brique de lait. Rythmé par cette date, oui, la carte, puis mon métronome. À moi, c'est long et pour tenir, hier. Au fil du temps, on peut sombrer dans la déchéance, plonger dans la délinquance, car sujet comme le déchet de France. C'est nous la plèbe que t'appelles la France en bas, celle qui a besoin d'aide, mais le train de l'espoir l'attend pas. On est des millions sur le quai, considéré que pour les élections, tu veux m'avoir, ok. Je fais une MJT, démission intérim pour les jeunes paumés. Je veux des diplômés, des formations, des centres sociaux, nos besoins, tu les connais. J'ai vu trop de frères qui périssent, de cicatrices qui guérissent, des mères en pleurs, pour un crédit, un père qui prend des risques, accumule des petits boulots, bout du rouleau, vas-y mollo, si tu le crois très tôt. Ne plaisante pas avec un prolo loin du triple 6. Nous tue, c'est le 3x8, on est des types tristes. Mais l'usine nourrit ta famille, on sera l'heure à notre enterrement. Devant la faucheuse, en attendant, on lutte entièrement pour être devant la pointe de Kéfir. En direct de Sky, j'arrive et je rappe pour David Carrera. Je suis ici, mec, je vais faire le Kamehameha. J'en place une pour Frédérico. KESYR arrive et toujours connecté. Je pose une mic, pas besoin d'infecter. Je dédicace à Camille qui doit être sur la route. Fais attention, fais pas d'erreur de concentration. KESYR en pure improvisation. Je viens de Saint-Etienne, mon poids c'est à la tienne. Que j'arrive, c'est 42, la plaque d'immatriculation. KESYR, je suis le gentil, je suis pas le méchant. Parce que quand je pense le mic, c'est aspiration. Yeah, KESYR, one mic. Wow. À l'instant, Kéfir en freestyle, on peut applaudir Kéfir aussi, bravo. Un grand applaudissement pour Kéfir. Bravo Kéfir. J'ai vraiment de la peine de ne pas avoir écouté la première partie. Ça prendra pécho dans les loges. Putain. Tu en feras plus, ça. Bah merci en tout cas. Bon, Kéfir, tu vas venir bientôt toi aussi dans une nocturne. Hein. Je te l'avais promis. Donc c'est bientôt, c'est quand octobre, hein? 24 octobre. 24 exactement. Octobre, ouais, fin octobre, c'est ça. Yes. Et bon, on t'attend. Voilà. Et bah... Je te remercie. Et en attendant, lundi, il y a mon projet qui sort avec mon crew, c'est One Mic, O-N-E-M-I-C. Et il sort sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Terrible. Et bon, on ira écouter ça, jeter une oreille dessus. Merci à toi, Kéfir. Yes, merci et bonne continuation à toi. Mais à mon avis, m'en fais pas. C'est comme ton physique, quoi. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu. C'est chiant. Il est énervant, ce garçon. Non, mais merci, Kéfir. T'as vraiment fait un truc. Je pense que tu t'en sors très bien et sérieux respect. C'est merci. Merci. À bientôt, Kéfir. Passe une bonne soirée. Ciao. David Carrera avec nous. On met un morceau avant d'attaquer le live? Ouais. Qu'est-ce qu'on met comme morceau? Laisse voir. Attends, tu veux pas laisser choisir Gary, regarde qui est là, qui a quand même bossé sur l'album. Non. Avoir non, le. Non. Non, vas-y, choisis. Le choix Gary. De Gary. Le choix et pourquoi Gary. Alors, il va falloir que tu expliques pourquoi, Gary. Mettre Ma Liberté. Oui. Parce que c'est un morceau qui me tient à cœur et j'ai travaillé avec le petit frère et la petite sœur. Donc voilà, je suis fier de ce morceau, je suis fier que ça lui parle et je pense qu'aujourd'hui c'était pas un feat pour faire un feat, mais je pense que c'est un des gros titres de l'album aussi. Donc voilà, s'il est d'accord. C'est ton avis aussi, David, ou tu t'inscris en contradiction avec Gary? En totale contradiction. C'est pas un titre de... Donc c'est un mauvais choix, en fait. Je savais même pas qu'on l'ait mis dans l'album. Ouais, j'avais demandé pas prévu sur l'album. Quand j'ai écouté, j'ai dit sortez-moi ça s'il te plaît. Non, c'est vraiment un de mes titres préférés. Et de l'avoir fait avec Gary, de pouvoir partager ce titre aussi avec Tal et avec Wiz Khalifa, c'est super. Et après, je pense que le message, c'est un message positif. Ça veut dire l'important, c'est pas ton iPhone, c'est pas ta montre, c'est pas toutes les choses un peu superficielles. D'ailleurs, tu as une très jolie Rolex au poignet. C'est une Casio pour ceux qui ne savent pas. Ouais, c'est une Rolex à l'ancienne, c'est un vieux modèle. C'est le truc qui te coûte 5€ chez le Vietnamien. Non, mais c'est le truc, jamais ça sort de mode, ça. Ça sera à la mode. C'est vrai en même temps. Ouais, je me disais, t'as une classe folle avec cette montre, voilà. Cette Rolex Casio. Mais le titre il parle de ça. C'est Momo, au lieu de dormir là, Momo. Ben, Momo, depuis qu'on n'avait pas Olita, on l'a perdu. Fais-nous un gros plan pour ceux qui nous matent les images sur la Rolex de. La Rolex. Voilà, Casio-Lex. La preuve en image, sinon vous la mettra aussi sur skyrock.fm. Si les gens de Casio m'entendent, envoyez-moi des montres. Et il est minuit tout le temps, en fait, elle ne bouge plus la montre. Il est tout le temps minuit, Tam. Je viens de voir ça. J'ai besoin d'une montre, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai, t'as fait ça, là Non, c'est une montre, c'est tout le temps ça. Elle marche jamais. Une fois, j'en ai pris une, on était à Lisbonne, il y avait une soirée, j'ai pris la montre. Et à un moment, dans la soirée, je regarde. Minuit. Ah, merde, ouais. Ah, t'as un délire avec le temps. Ah, non, l'heure s'arrête, toi, à minuit. Ah, moi, je prends la voix pervers de Federico à minuit, en fait. Je connais pas ce personnage. Non, revenons quand même sur Ma Liberté, on va le balancer avec Tal. Ou Scalifa pour le sample. Et ça parle de ça, ça parle de l'importance des gens qu'il y a autour de toi. Et le plus important, c'est pas ta Casio qui met l'heure à minuit. c'est l'amitié et c'est la famille et tout ça. Et bon, on balance le morceau maintenant. C'est le morceau avec Tal, hein, on le met avec Tal, version avec Tal. C'est parti, Ma Liberté. Let's go. Big joint rolling, Bombay sipping, no blunt smoking. Big joint rolling, Bombay sipping, pour shots of liquor. Prenez tout ce qui brille autour de moi. Yep. Si vous pensez que toute ma richesse est là, yep. Prenez tout ce que vous voulez. De ce monde artificiel. Et gardez toutes ces choses qui nous envoient en enfer. Toutes ces addictions qui font pleurer nos mères. Prenez tout ce que vous voulez. Et laissez ma liberté. Je ne veux plus danser. Je ne veux plus jouer. Avec ma destinée. J'ai envie d'avancer. Pensez que votre bonheur est là. Prenez tout ce que vous voulez de ce monde artificiel. Gardez ces promesses qui ne voient jamais le jour. Toutes ces illusions qui font pleurer l'amour. Prenez tout ce que vous voulez, mais laissez ma liberté. Je ne veux plus danser. Je ne veux plus jouer. Avec ma destinée. Ma Liberté avec Tal à l'instant, à qui on fait un coucou. Tal qui est en tournée, je crois, qui est en Corse, si je dis pas Ajaccio, de Ajaccio, hein, c'est ça. Gary est bien renseigné. Je savais pas. Les grands renseignements. Attends, toujours. Tu as reçu un appel, quelqu'un? Ouais, on n'arrête pas de me dire que le titre il est super cool et voilà. Et on parle de ma Casio. On m'a dit t'as besoin d'un partenariat Casio. Si le Casio vous m'entendez, merci. Envoyez-moi des montres parce que la mienne elle s'est arrêtée. Au moins une qui fonctionne, quoi. Parce... Moi perso, s'il a un partenariat Rolex, je préfère. Hein, mais... Non, on va faire comme dans Ma Liberté, on va choisir Casio. Allez, hop, go, tu as raison. Proche du peuple. Proche du peuple. Bon, sur Skyrock, dans un instant, on va faire tourner la roulette, mais là, c'est l'heure du live. Yes. Est-ce que tu es prêt, David? Oui. Est-ce que l'autre David est prêt aussi? Ouais, on est prêt. Est-ce qu'on peut juste voir si tout fonctionne bien? Voilà. Magnifique. Ça m'a l'air de bien fonctionner. Voici l'heure du fado maintenant. 1. Yeah, sur Skyrock. Amnésique. Vous connaissez la chanson ou pas? Oui. On a envie d'entendre tout le monde. Yeah. Juste un demi-sucre dans mon café. Ces petites habitudes que j'avais gravées. Le le fil de l'histoire qui se perd, qui s'attarde. Cet inconnu dans le miroir. Yeah. Dites-moi qui je suis, dites-moi où je vais. Qui sont mes amis, qui dit faux, qui dit vrai. Un souvenir me guide, quelqu'un que je connais. Yeah. On m'a parlé de toi, je crois que tu me manques. Ce que je ne connais pas de toi, je me l'invente. On m'a parlé de toi, je crois que tu me manques. J'ai enfoui en moi ce bout de toi qui me hante. Yeah. Y'a du monde qui connaît rien à envier ou pas? Hein. Si Tunisiano nous entend, un big up à Bachir ce soir. Yeah. Hein. Let's go. Yeah. Qu'il me regarde, qu'il me voit, qu'il s'intéresse un peu à moi. Il me blesse, je ne comprends pas. Mais comptent-ils tous de plus que moi? Quand ils plaisantent, je subis, simple figurant de ma vie, gosse transparent, asservi, aimant et incompris. Ils ne m'acceptent pas malgré mes tentatives, ils me montrent du doigt, même si je me motive. Et comme à chaque fois, oui, je suis le seul fautif. Un, yeah, un, je n'ai rien à envier aux autres. Je me nourris de mes fautes. Qu'importe si je me vautre, si je saute, est-ce que tu me retiendras? Je n'ai rien à envier aux autres. Je me nourris de mes fautes. Qu'importe si je me vautre, si je saute, est-ce que tu me retiendras? Je ne suis pas assez bien pour vous. Éteint et jamais dans le coup. Pas à la mode, coupable, pas dans les codes, un infréquentable. Je ne vous ressemble pas, c'est vrai, sûrement pour ça que je vous effraie. Je reste l'ombre d'un grain de sable. Un, yeah. Ils ne m'acceptent pas malgré mes tentatives. Ils me montrent du doigt même si je me motive. Et comme à chaque fois, oui je suis le seul fautif. Un, tout le monde. Je n'ai rien à envier aux autres. Je me nourris de mes fautes. Qu'importe si je me vautre, si je saute, est-ce que tu me retiendras? Je n'ai rien à envier aux autres. Je me nourris de mes fautes. Qu'importe si je me vautre, si je saute, est-ce que tu me retiendras? Je n'ai rien à envier aux autres. Je me nourris de mes fautes. Qu'importe si je me vautre, si je saute, est-ce que tu me retiendras? Je n'ai rien à envier aux autres. Je me nourris de mes fautes. Qu'importe si je me vautre, si je saute, est-ce que tu me retiendras? Est-ce que tu me retiendras? Yeah. Merci beaucoup. Magnifique. Te sens touché. Mmh. Fais ta voix de pervers, vas-y. David. Frédéric. Bon, merci en tout cas, bravo. On peut applaudir une fois de plus David Carrera. L'autre David, merci. Qui était aussi à la guitare à l'instant. Ah, voilà comment on redynamise tout ça dans Planète Rap entre 20 et 21 avec nous. Merci David pour cette belle semaine. Je te laisse aller pratiquement le mot de la fin. On va faire tourner la roulette dans un instant. Bah, j'ai envie de te dire, moi déjà avant toute chose, bonne chance pour cet album qui t'emmène loin sur les routes de France, même d'ailleurs un peu partout. Ben merci beaucoup. Un peu partout. Un peu partout. En Tunisie, à Marrakech. Lisbonne. Non, parce que pour moi, c'était un honneur d'être ici. C'était vraiment. Moi, j'ai grandi avec Planète Rap, avec Skyrock. Et pour moi, pouvoir faire mon Planète Rap, pouvoir partager des moments comme ça, de live, etc., c'est super. C'est là où tu t'amuses le plus. C'est l'album, c'est tu, t'éclates parce que tu finis par mettre tes idées et tout ton kiff artistique dans quelque chose. Mais après, c'est vrai qu'il t'appartient plus, quoi. Il est pour les gens. Voilà. Et ce que je kiffe, c'est quand je peux le partager avec tout le monde, tu vois. Et Planète Rap, c'est ça, c'est du partage. Donc, merci beaucoup. J'espère que ceux qui nous écoutent, ils s'amusent beaucoup. Ils ont apprécié l'album. Bah, je pense aussi, ouais. J'ai vu le nombre de messages qu'il y a eu cette semaine avec le hashtag David Carrera sur Skyrock. Ça n'arrête pas, d'ailleurs, de défiler. Donc, continuez. Merci à toi, merci à David qui était présent. Gary aussi, si tu veux dire un petit mot pour conclure cette semaine. Pour conclure, c'est vrai que moi je suis plutôt réalisateur sur cet album. Mmh. C'est vrai que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail pour au final 45 minutes d'écoute. Et voilà, c'est un plaisir de travailler avec lui parce que c'est un bosseur et c'est surtout quelqu'un de passionné. Et voilà, et aujourd'hui il fait de la musique pour les bonnes raisons et j'espère que voilà, on continuera. Et Backside est loin. Ça continue. On s'éclate. Et puis on t'attend pour un prochain retour dans Planète Rap, David. Bah, pourquoi pas. Tu connais l'adresse maintenant. Bah oui, t'inquiète. Je t'achèterai une montre. Allez, t'inquiète. Une jolie Casio avec toutes les options dessus. On fait tourner la roulette, c'est parti. Alors, qui a envie de jouer? Skyrock t'offre SimCity, j'ai tué pour elle, au ciné, plus ta nouvelle tablette tactile. C'est Camélia de Vaison-la-Romaine qui vient faire tourner la roulette. Salut Camélia. Salut. Ça va bien, je te présente David Carrera. Oui. Salut Camélia. Salut. Tu connais Camélia, David? Non, je connais pas, mais je viens d'écouter, c'est pas mal. Eh ben écoute, mais c'est aussi fait pour ça l'émission, c'est pour découvrir. Ouais, bon. Ben oui, voilà. Franchement. Bah bienvenue en tout cas dans. Merci. Dans tu le monde de David, de Vaison-la-Romaine. Dans le 8-4. C'est vers Avignon. Dans le 8-4, ouais, Vaucluse. Vaucluse, c'est le Vaucluse. Ça, pas trop touché, non, les inondations, c'était. Non, pas du tout. Non, c'est plutôt le Gard, etc. D'ailleurs, on a une grosse pensée pour l'Hérault, le Gard, tous ceux qui ont été touchés là-bas. Ouais, en même temps, Vaison-la-Romaine, il y a eu aussi, il y a une époque, c'était chaud. Oui, aussi, ouais. Bon, Camélia, prête à faire tourner la roulette, allez, on y va. Oui, prête. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. D'accord. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Cette fois, ils sont allés trop loin. C'est les places de ciné pour aller voir Sin City, j'ai tué pour elle, qui est sortie, et non pas pour toi uniquement, puisqu'il y a 4 places en tout de ciné. C'est ce qu'on t'envoie du côté de Vaison-la-Romaine, Camélia. Ouais, c'est bon, excellent. Et ben, je te fais plein de bisous. D'accord, de ciao. Même. Ciao, bonne soirée. Ciao, passez une bonne soirée. Merci David. Ben, merci. Merci à vous tous d'être venus aussi, hein, tous les gens qui étaient là, tous les soirs de la semaine. Parce qu'évidemment, il y en a beaucoup qui nous écoutent aussi à la radio, qui matent les images. Et puis voilà, il y a des gens qui viennent en bas de la radio, qui montent et qui, j'espère, passent un bon moment. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a pu avoir pendant une semaine avec toi, David, tous les soirs entre 20 et 21. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bah, ciao, obrigado. Ciao. Obrigado. Obrigado. À la prochaine. Fulio. Obrigado. Ça va? Di Fulio, il est là. Bonne journée. Non, c'est italien, bon c'est merde. Ouais. Bon dia. Ah, bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Enfin, bon dia, 21h51. Bonne note. Bonne note. C'est comme ça, c'est bonne note. Ah, c'est ça, ouais. Est-ce que je suis bien, là, David? Bah, en fait, moi, je pensais, tu veux pas faire une tournée au Portugal? Oui. Ouais, mais une tournée comique, alors, c'est ça? Avoir du mal. T'arrives et tu dis bonne note à tout le monde. Ça suffit. Et tout le monde est mort de rire, c'est ça? D'accord, j'ai fait l'avant. Je ferai ton avant. Mais je fais ton avant-concert. Mais Di Fulio est première partie allemand. Il a été dans le Bronx, aux States. Ah ouais. Ah bah ouais. Bah les gens se souviennent que de Di Fulio. Merci Fredo. Bah, bien sûr. En venant de toi, le spécialiste mondial du rap. Il y a le Bronx avant Di Fulio et il y a le Bronx après. Oui, mais tout à fait. Ils s'emmerdent maintenant. Donc, c'est la merde. Ils s'emmerdent. Bon, mais merci David. Tu viendras nous voir un de ces prochains soirs dans l'émission. Parce que Romano t'a préparé une petite surprise, mais elle n'est pas prête pour ce soir. Bah oui, en plus, il y a un clip ce soir qui se tourne et tout. Ouais. Exact. Oui, on doit tourner un clip en direct ce soir pendant l'émission. Oui. Ça va gigoter ou pas dans le clip? Ça va gigoter, mais dur dans le clip ce soir. Donc, David, tu viendras nous voir dans une des prochaines radios libres? Bah, j'espère. On attend ça avec impatience. Bon, on va caler tout ça et puis on vous en reparlera très très vite sur Skyrock. On vous tient très vite au courant. David Carrera, c'était la semaine Planète Rap. La tienne, la semaine Planète Rap de David. Tout à l'heure, Fredo. Oui, tout à l'heure. La nocturne. Tout à l'heure. Avec le ministère Hammer. Yes. Oui, ils étaient là tout à l'heure. Ils seront là tout à l'heure. Ouais, ils reviennent tout à l'heure, minuit, enfin, juste après minuit, hein, juste après la radio libre, jusqu'à 2h du matin, 100% rap français. Ce soir, une nocturne spéciale ministère Amère. Ouais. Très bien, on sera là ce soir. Et moi, je voulais une petite traduction, David, s'il te plaît. Le carré, à chaque fois, on parle et tout, on rigole, mais il me sort toujours une phrase et j'ai toujours demandé la traduction. l'a jamais dit. C'est horrible. Ouais, il me sort un mot, ouais. Je sais pas c'est quoi. Ah là, ça va être une insulte. Mais ouais, je pense. Il me dit à chaque fois, fâche mon broche. Ah, ok. Comment, déjà, est-ce que la prononciation est bonne? C'est gentil ou quoi? Tu veux que je te dise ce qu'il te dit? En fait, bah, c'est un ami ou c'est une copine à toi? Non, c'est un mec. C'est un mec? Ouais. Ah, oh là. Ah, il y a déjà un problème, mais là. Il a l'air gêné, David. Ah, c'est le blowjob. Il veut que tu lui fasses un blowjob. Ah, oh, merde, ça veut dire. Et voilà, au boulot, Karim. Comment ça, ce que j'ai à faire. C'est un grand pote à toi, je pense. Hein. Ouais, c'est mon meilleur ami. Bah, t'as des super potes. C'est ça. On salue ton ami portugais, Karim. Bah, big up à lui. Bah, big up big à lui. Comment tu dis avec la bonne prononciation, David? Fâche mon broche. Ça veut dire suce ma bite, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Ah, voilà. Ouais. Pour être clair, c'est. Fâche mon broche. C'est ça. Et bien, on termine cette semaine avec de la culture. De la culture, en effet. La culture portugaise. Merci, David. Sympa pour cette semaine. Ah, c'était un peu de fado pour vous. Ah, voilà, exactement. Ouais, exact. Bon, Planète Rap, le retour. Lundi, il y aura qui lundi, Fredo? Kenza qui débarque avec un nouvel album. Yes. Ah, bien. À retrouver. Kenza dans le Planète Rap dès lundi, juste avant 20h et jusqu'à 21h. Merci à vous. Et là, c'est parti pour la Radio Libre sur Skyrock. Yes. Salut David, salut Fredo. Ciao. Salut. Ciao. Radio Libre sur Skyrock en direct jusqu'à minuit. Tranquille, pépère, pour une belle soirée tous ensemble. Vous nous appelez au 01 53 40 30 20. On vous retrouve tout de suite. Vous faites péter les SMS sur le 41 759 sur l'appli Skyrock. Faites péter les réseaux sociaux et on vous amène tout de suite en vacances. Ouais. Barbade. Yeah. C'est le son de la crime. Premier son de la soirée, la crime. Et toute l'équipe qui arrive, je vois le prince du hip-hop qui fait son entrée dans le studio. Ah ouais, avec son sac de voyage. Pas cher. Costume de scène. C'est vrai, il a un costume, un billet de 500. Il a une liasse de faux billets, quoi. Non, c'est des vrais. Ouais, j'imagine, vrais. Ouais. C'est ça. Ouais. Je vais le mettre dans la culotte. Tu serais pas là si c'était des vrais. Bon, on est prêts, on démarre tout de suite, on se fait la crime. Dans une minute, la Barbade sur Skyrock, le son de la crime et Radio Libre, en direct.